On va parler de tennis avec notre amie Caroline Delisle. On sait que Wimbledon est en marche depuis lundi. Salut Caroline! Oui, bonjour. Caroline, évidemment, moi j'ai été un petit peu déçu d'entrée du jeu que Bianca Andreescu est éliminée. Par contre, Alicia Cornet, elle affronte Alicia Cornet, qui elle, depuis un mois et demi, est pas mal le dessus sur Bianca, sans avoir le numéro là, depuis quelque temps. Ouais, ben là, je peux dire que Bianca a quand même un petit peu de misère, hein, avec son retour, là. C'est pas, Ouais. c'est soit qu'elle est blessée, bon, maintenant elle a eu la COVID, bon, il y a toujours quelque chose, ou soit, bon, elle joue pas des mauvais matchs nécessairement, mais bon, on voit qu'elle a comme du rattrapage à faire un petit peu, là. Fait que c'est sûr que peut-être aussi qu'elle s'ennuie de son entraîneur, hein. Peut-être que, Ben tu c'est sais, ça, ça c'était joue ma plus prochaine fort. question. Est-ce que ça peut prendre un certain temps avant d'avoir une chimie avec son nouvel entraîneur? On le voit avec Félix Auger-Aliassime, ça y a pris un certain temps, là. Ça semble un peu mieux dans le cas de Félix, là. Mais ça a pris un certain temps, là. Ben, c'est clair, hein, parce que bon, quand on change d'entraîneur puis d'équipe même, là, parce que il y a d'autres personnes qui la suivent, qui la suivaient pas avant, donc là, c'est sûr, c'est des petits ajustements. On va voir la suite là. En tout cas, si au moins elle peut rester en santé puis qu'elle peut revenir Voilà. en force. Parce que tu sais, je pense que pour avoir ben, je dirais un beau talent, là, fait que c'est sûr que c'est surtout de rester en santé puis de pouvoir retrouver sa confiance, dans le fond, là, parce que je pense que si elle est capable d'accumuler quelques victoires, ça va lui redonner confiance amplement, puis elle va pouvoir bon, rester dans le top 10 au monde, là. Ok, si on parlait un peu, donc, mais est-ce que le fait qu'elle joue sur l'herbe, c'est Wimbledon, c'est l'herbe, les terrains sont différents, est-ce que ça peut y nuire? Ben, ça peut nuire, comme ça peut aider, hein, t'sais, ça Ouais. dépend de ton style de jeu. Moi, je pense qu'elle a quand même un style de jeu qui est capable de s'adapter à pas mal n'importe quelle surface. Ok. Parce qu'elle a un beau jeu d'ensemble, elle a des bonnes volées, elle varie son jeu, donc elle a plusieurs atouts là, à son arc. Mais écoutez, c'est sûr que ça dépend un peu, hein, tu sais, si t'arrives, là, tu perds moins bien, on le voit, le gars Aliassime a fait 19 outs hier, fait que sur herbe, c'est plus rapide, fait que les gros serveurs ou les grosses serveuses sont avantagés, puis c'est un jeu qui joue plus vite. Mais peut-être que pour elle préfère d'autres types de surfaces, peut-être aussi, là. Donc, mais tu sais, il faut dire qu'il y a beaucoup de tournois sur herbe, donc c'est pas si grave que ça non plus. Mais on va voir la suite, là, parce que là, après, ben là, évidemment, là, ça va être plus la surface dure, là, durant l'été. Donc, on va voir si ça va mieux lui servir. Est-ce que, bon, donc, on va surveiller ça de près. Il y a également Lila Fernandez qui est chez les filles qui elle aussi, est éliminée rapidement. Oui, malheureusement, hein, mais c'est Ouais. sûr que la compétition est forte, hein, donc c'est ça, c'est pas évident. Puis c'est sûr que bon, Léla prend beaucoup d'expérience, puis elle est déjà dans le top 60 au monde, donc c'est excellent, là. Elle est toute jeune encore. Fait que je pense que c'est ça, là, elle va continuer là, de se renforcer et tout. Puis bon, puis je sais qu'ils ont perdu en double aussi, là, c'est ça va pas super bien pour nos Canadiennes, mais écoutez, ils vont se reprendre, là. Ça, c'est pas un problème. C'est une Ok. question de temps, je pense, de son côté, là. Ok. Du côté des hommes, ben, il y a Félix Auger-Aliassime qui va affronter Nick Kyrgios demain. Donc, ça va être un bon match. Il y a un autre bon test pour Félix Auger-Aliassime. Oui, effectivement, parce que bon, on le sait que Kyrgios a eu de la misère à son premier match, là. Il a gagné en 5-7, mais là, après ça, hier, ça a été plus facile. Fait que bon, qu'est-ce qu'il va nous réserver contre Félix? On espère que Félix va rester concentré puis dans sa bulle, parce que Kyrgios est capable, hein, de tout, hein. Fait que c'est ça. Fait qu'il peut être intimidant, il peut être arrogant, il peut être flamboyant. En tout cas, il y a toutes les termes qui vont avec, là, mais c'est un excellent joueur, puis c'est sûr que là, il est rendu quoi, 60e au monde, là. Ça reflète pas vraiment son niveau de jeu, mais il a pas joué, hein. Le Wimbledon, c'est son premier tournoi depuis le mois de février, je crois. Donc, il a pas joué beaucoup. Fait que ça aussi, ça peut jouer, parce que Félix a quand même fait là, beaucoup de tournois dernièrement. Fait que c'est ça, là. Ça reste à voir. En tout cas, moi, j'ai bien confiance en notre Québécois là, pour ce match-là. Je pense que Félix gagne en maturité, puis il va être prêt là, pour ce genre de duel. Puis d'ailleurs, il l'avait battu sur herbe la dernière fois qu'ils ont joué un contre l'autre. Bon, on va y aller. Denis Shapovalov, lui, qui est en action aujourd'hui. Oui, Denis Shapovalov qui est en action. Écoutez, encore un autre bon jeune, hein, qu'on a. Il est quand même 10e tête de série. Fait que moi, j'ai beaucoup d'espoir aussi en Denis. C'est vraiment une surface, là, je pense, là, qui peut être très bien pour lui, l'herbe. Puis encore une fois, je pense que c'est ça, il y a des bonnes chances de pouvoir se faufiler un petit peu. Puis, mais c'est ça, il joue contre Andy Murray, écoutez, d'un ancien double champion qui se le donne. Mais il ne faut pas oublier que là, il a eu son lot de blessures, puis il s'est fait opérer deux fois à la hanche. Fait que moi, si j'avais à gager, je mettrais un petit 2 sur Dennis là, pour ce match-là. Puis, en espérant que c'est ça, il va continuer son beau parcours. Puis, c'est ça, on va les encourager. OK, on va surveiller ça de près, Caroline. On va se reparler à la conclusion de Wimbledon. Oui, parfait. Notre amie Caroline Delisle qui nous parlait de Wimbledon.